retour à Futur Simple sur CKRL au 89,1. Alors après sur tout ce détour dans l'espace avec Mélanie, ben on va revenir sur Terre et plus précisément dans la forêt. 2011, comme on l'a dit précédemment, c'est l'année internationale de la forêt. Vous allez donc en entendre parler régulièrement au cours de l'année. Et si vous voulez commencer par faire plus ample connaissance avec la forêt, bien je vous invite à aller au Salon de la forêt qui ouvre ses portes demain. Qu'est-ce qu'on va y voir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Bien, j'ai à mes côtés Étienne Saint-Michel qui est chargé de projet à l'association forestière de Deux-Rives. Il va pouvoir nous dévoiler le programme de ce salon. Bonjour Étienne. Bonjour Valérie. Alors Étienne, je te demanderai dans un premier temps de nous parler de cette association forestière des Deux-Rives. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses missions? En fait, l'association forestière des Deux-Rives existe depuis plus de 50 ans et on vient de changer de nom. Peut-être qu'il y en a qui nous connaissent sur notre ancien nom qui était l'association forestière Québec métropolitain. Donc, on a changé de nom il y a seulement quelques semaines. Donc, c'est tout neuf. Exactement. Donc, on a changé une nouvelle image, un nouveau site web également. Donc, on est bien content d'annoncer tout ça. Et l'association, en fait, on a vraiment... un programme varié, c'est-à-dire qu'on fait à la fois, on a à la fois un volet éducation où on rencontre les jeunes en classe, donc on va dans les écoles rencontrer les jeunes, leur parler de forêt, foresterie, les arbres et tout ça, pour les sensibiliser à tout ça. Et on a également un volet mise en valeur de l'arbre, donc on fait par exemple des distributions d'arbres. On a distribué plus de 60 000 arbres l'année dernière. 60 000? Oui. C'est un gros chiffre, ça? Oui, c'est sûr que d'un point de vue forestier, il y en a qui trouveraient que c'est pas beaucoup, mais effectivement, c'est quand même beaucoup d'arbres. Donc, on fait également des plantations. On a fait une plantation avec la polyvalente de l'ancienne Lorette l'année dernière. On va en faire une avec l'école de la Grande Hermine, pas très loin d'ici, au printemps. Et donc, on a un volet également mise en valeur de parc. On a créé cet automne des nouveaux sentiers à l'espace Félix Leclerc. On a développé des sentiers pédestres également au domaine de Sherwood, de Shannon. Donc, on s'implique vraiment dans le milieu forestier, autant au niveau de l'éducation, comme je vous disais, que de la mise en valeur. Donc, dans ce cadre-là, on participe au Salon de la forêt qui a lieu, comme vous disiez, en fin de semaine. Donc, ce Salon de la forêt, donc, il a lieu où ça? C'est au Centre de foire. Donc, vous allez au Centre de foire de Québec. On est en partenariat avec le Salon de l'agriculture également. Mm-hmm. Donc, les deux salons ont lieu en même temps. Et c'est l'accès est gratuit, donc j'invite toute la population à venir. Les portes sont ouvertes, venez nous rencontrer. Il va y avoir des tas d'exposants, donc qui touchent à peu près tous les volets de la foresterie. Là, je peux en nommer quelques-uns. Par exemple, l'Université Laval va être là. D'ailleurs, c'est les étudiants de foresterie de l'Université Laval qui organisent. Exact. C'est eux qui mettent le salon sur pied. Donc, c'est vraiment une initiative étudiante, si on peut dire. C'est sûr qu'ils sont appuyés par la faculté, mais c'est vraiment les étudiants qui mettent sur pied le salon. Donc, c'est ça, c'est parce que la foresterie est quand même pas toujours bien vue par le grand public. Là. On pense coupe à blanc souvent. Hein? C'est ça, mais malgré tout, la foresterie, c'est quelque chose de très positif au Québec. Bien sûr, on pense au niveau économique, ça fait travailler des gens et tout ça, ça fait rouler l'économie, mais il faut voir aussi que la foresterie, c'est quelque chose de positif également au niveau environnemental, parce que le matériau bois, d'un, c'est un matériau qui est biologique, mais également, c'est un matériau qui demande beaucoup moins d'énergie. Par exemple, pour fabriquer un bâtiment en bois, ça va demander beaucoup moins d'énergie que si on utilise, par exemple, l'acier, le béton ou l'aluminium. Ouais. Donc, en utilisant le bois, on vient aider l'environnement. De plus, le matériau bois, c'est un matériau qui fixe le carbone de l'atmosphère. Donc, plus on va utiliser le bois, plus on va diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et finalement, le matériau bois est très intéressant parce que c'est une ressource renouvelable. Donc, on peut faire des coupes et la forêt va se régénérer par elle-même et on va pouvoir revenir récolter par la suite. Et donc, ça, c'est très intéressant d'un point de vue développement durable. Ouais. Puis la forêt, c'est aussi tout ce qui est industrie récréative et touristique aussi. Ah oui, exactement. Donc, au Québec, on est très axé là-dessus aussi. Ça fait vivre beaucoup de gens. Donc, toutes les activités en forêt, que ce soit la chasse, la pêche, la randonnée pédestre, le canot et tout ça. Donc, la foresterie, c'est vraiment très, très large. Puis, malheureusement, comme je vous dis, des fois, on n'a pas toujours cette vision positive. Et le salon, on espère, vient augmenter ce sentiment-là d'appartenance, je pense, des Québécois envers la forêt. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir différents kiosques qui vont représenter ces différentes facettes de la forêt, aussi bien l'industrie forestière que la partie récréative. Peut-être la recherche aussi, il va y avoir des organismes magnifiques. Il y a le centre de recherche sur le bois, il y a le centre d'études sur la forêt va être là, il y a des écoles. Le ministère, le MRNF aussi. Le MRNF va être là, Ressources naturelles Canada. Ouais. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, c'est très, très large, le niveau des exposants. J'en ai toute une liste, mais je ne fais pas l'énumération. Non, parce que toi, tu vas être là en tant que, ben, peut-être pour représenter le kiosque de la F2R. On va voir un kiosque. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va voir à ce kiosque-là? Qu'est-ce que la F2R va faire? On a de la documentation. Donc, on produit des documents. Chaque année, on produit, par exemple, le cahier spécial qui est publié dans Le Soleil, où il y a plein d'articles sur la foresterie. On a des documents pédagogiques également pour les enseignants. On a des documents pour aider les gens à faire des plantations d'arbres, des trucs comme ça. Mais l'association également a une activité jeunesse. Donc, en partenariat avec les étudiants de la faculté de foresterie, on a développé une activité jeunesse. C'est-à-dire que demain, vendredi, le 14 janvier, on reçoit plus de 200 jeunes des écoles secondaires de la région qui vont venir sur place vivre des activités avec nous. Donc, on commence avec un rallye des exposants. Les jeunes vont justement faire le tour des exposants avec un questionnaire. Il y a des prix à gagner et tout ça. Et il y a également des présentations sur place. Donc, je fais une présentation sur justement les propriétés physiques et mécaniques du bois. Ah, on parle du bois par rapport à l'environnement et on va également parler des métiers. Parce qu'il y a un gros manque de relève au niveau des jeunes. Les jeunes s'inscrivent très peu dans les programmes de formation en foresterie. Et il y a un gros manque au niveau des emplois également en foresterie. Mm-hmm. Parce que quand on parle de foresterie, on en parle souvent négativement. Fermeture d'usines, perte d'emplois et tout ça. Alors que c'est seulement une certaine portion de l'industrie qui est en difficulté. Il y a d'autres secteurs de l'industrie qui vont très, très bien. Si on pense, par exemple, à la compagnie Chantier Chibougamau qui a fabriqué le stade de soccer Chauveau. Oui, eux, ils font les bois d'ingénierie, c'est ça? Les bois d'ingénierie. Lamellicolé, exactement. Donc, c'est une industrie qui va très, très bien, qui emploie plus de 500 employés. Mm-hmm. Et donc, ils sont loin d'être en fermeture d'usine et en perte d'emploi. Et ils ont besoin de jeunes pour travailler. Malheureusement, ils ont de la difficulté à recruter. Ouais. Donc, nous, on essaie d'intéresser les jeunes là, à ces domaines-là. Ouais, parce qu'on n'a pas forcément idée de tous les métiers qu'on peut faire autour de la foresterie. C'est pas juste couper des arbres. Non, c'est ça, exactement. Les métiers en foresterie, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, ça va, aménager les sentiers, peut-être aussi. Oui, mais il y a beaucoup de recherches qui se font également. Là, il y a des métiers en foresterie. C'est pas seulement pour les gens qui veulent aller en forêt avec leur chemise à carreaux couper des arbres. Là, c'est vraiment varié. On a des programmes autant au niveau universitaire, collégial que secondaire. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, comme je vous dis, que ce soit au niveau recherche, au niveau aménagement, récréotourisme, plein air, conservation également. Donc, il y a beaucoup d'opportunités en foresterie et c'est pour ça qu'on fait des activités pour les jeunes et qu'on veut les rencontrer pour les intéresser, les attirer vers ces métiers-là parce qu'on pense que c'est des métiers qui sont intéressants. Évidemment, pour ceux qui aiment la nature, ça peut être un moyen de se rapprocher de la nature que de travailler en forêt. Aussi, oui. Donc, aussi au kiosque de l'association, on va pouvoir trouver aussi tous ces renseignements sur les métiers. Donc, ça peut intéresser aussi les jeunes et les exactement. Nous, on a des informations sur les métiers. On a même également un site Internet dédié. On présente une trentaine de métiers de la foresterie sur notre site Internet. On a, par exemple, des témoignages. On a de l'information sur ces métiers-là. Ou suivre les formations et tout ça. Donc, ça fait partie un peu de notre mission, justement, de donner de l'information aux jeunes sur les métiers. Et ils vont pouvoir, justement, avoir cette information à notre kiosque. Et c'est gratuit. L'accès au salon est gratuit. Donc, et en parallèle, en plus, il y a le forêt de l'agriculture comme tu sais. C'est ça, profitez pour visiter les deux salons en même temps. Faites un tour au salon de la forêt, ensuite vous allez au salon de l'agriculture. C'est toujours bien apprécié et c'est ouvert donc vendredi de 9h jusqu'à 21h et samedi dimanche de 9h à 17h. Eh bien, je te remercie beaucoup, Étienne, d'être venu nous faire une pré-visite de ce salon. En espérant vous voir c'est ça. Ben oui, exactement. Donc, merci beaucoup à toi. Donc, je rappelle que tu es chargé de projet à l'Association forestière Baie-de-Rives. Donc, bon, pour tous les curieux de la forêt ou tous ceux qui se posent des questions sur les métiers de la forêt, bien, rendez-vous au Salon de la forêt. C'est gratuit et ça dure vendredi, samedi et dimanche. Alors, voilà, maintenant, on va faire un tour en balade musicale. Vous écoutez toujours CKRL au 89,1.